Poutine, président de la Fédération de Russie, a fait parvenir le Saint-Courant un message de félicitations au maréchal Kim Jong-un. Le destinataire a formulé sincèrement les félicitations au camarade Kim Jong-un, élu président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée. Il a indiqué que ses activités à la fonction suprême de l'État contribueront à développer le dialogue constructif et la coopération de complémentarité entre les deux pays et à assurer la paix, la sécurité et la stabilité dans la péninsule coréenne. Finalement, il a souhaité santé et succès au maréchal Kim Jong-un.